Le grillon de l'automne. Quand les martinets sont-ils donc partis? J'ai oublié, ou je n'ai pas vu. Le temps a passé, l'automne est arrivé en une nuit. Un matin, j'ai découvert le manteau vert sombre de la montagne, tout troué de rouille et de paille. L'automne était là. Le sol s'est couvert de feuilles et d'insectes morts. Sauterelles et criquets restaient à terre, engourdis, bientôt figés, une petite goutte de rosée perlant au bout des mandibules. Les fourmis venaient ensuite en colonnes bien organisées pour transporter les cadavres. Pour survivre à l'assèchement de la mare, certains têtards des pays chauds deviennent carnivores. Une double rangée de dents leur pousse, qui leur permet de dévorer leurs congénères, de grandir ainsi plus vite et de se métamorphoser à temps. Dans la montagne, c'est l'approche de l'hiver qui rend plus âpre la course à la vie. Les guêpes, incapables de faire des réserves, attaquent les ruches des abeilles où s'entasse le miel, mais c'est en vain, car elles meurent finalement sous le dard des gardiennes. Je suppose que tous les êtres qui, comme ces guêpes, savent qu'ils ne pourront passer l'hiver, ressentent avec une terrible intensité l'urgence de l'automne. Avant-hier soir, le petit grillon de la terrasse stridulait encore comme un damné. Comment pouvait-il par ce froid? Depuis, je ne l'ai plus entendu, mais l'écho de son chant continue à résonner dans ma solitude. Je ne peux plus marcher qu'en boitant d'une fenêtre à l'autre. J'ai épuisé la réserve de bois et la maison est glacée. Tout me rappelle que la fin du séjour approche et que je reste seul. Et moi aussi, je chante sans raison, brûlant du bonheur d'être là et frottant de plus belle l'élytre du stylo contre les pages du carnet. Est-ce qu'il y avait vraiment un grillon, ou bien l'ai-je inventé? Je lis aujourd'hui que le grillon, insecte aux affinités tropicales, ne vit pas au-dessus de 1 500 mètres. C'était l'altitude du chalet. Il me semble pourtant le revoir au bord de son trou, de sa tute, ce grillon montagnard. Mais je confonds peut-être avec un autre insecte, un autre lieu, une autre époque. Tout est brouillé, je n'ai pas de mémoire, je n'ai que ces maigres traces des carnets, et dans le crâne des images confuses qui se bousculent. Que l'on me permette néanmoins de continuer à me reconnaître dans ce grillon peut-être imaginaire, posté là aux limites de son territoire, et qui stridulait dans la nuit avec toute la ferveur d'un être qui sait sa faiblesse et en tire la force d'un chant. Note de ma maison de l'Alpe. Et si je constate que même les serres des sommets de la montagne s'approchent de moi sans crainte, je comprends à quel point je suis loin du monde. Kamonoshomei. Une pluie lente de petits grêlons tombe interminablement sur le toit. Étrange averse qui ne mouille pas mais gronde comme une rivière en crue. Je travaille, les livres et les feuilles s'entassent dans la cuisine. Cela fait 3 jours que la brume a complètement noyé le champ, pénétrant aussi dans la maison. Tout à l'heure, il faisait vraiment trop froid. J'ai voulu faire une ultime flambée, mais la seule bûche qui me restait était trop grande et trop humide. Elle s'est coincée dans le poêle en dégageant une épaisse fumée qui m'a forcé à sortir. Craignant un incendie, un paysan qui passait par là a couru pour me prêter main forte. À 6 heures du soir, il est temps de refaire un peu de thé. Je fume ma pipe, paisible, ne pensant à rien, savourant le parfum âcre du tabac et la fraîcheur du soir. Mercredi. Qu'ils viennent à maturité au moment des foins, ou qu'ils soient d'une manière ou d'une autre liés à la Camarde, le faucheux porte bien son nom. L'arrivée de l'automne ne l'affecte pas, et il prolifère de plus belle dans le chalet. Dès que le soir tombe, il vient en ombre courir le long des murs. Lorsque j'écris, il y en a toujours un qui s'approche du stylo, le tâte du bout de ses 2 pattes avant, puis court se cacher derrière la table. Cet inoffensif arachnide me semble d'une invraisemblable curiosité. Vendredi. Toujours la pluie, la brume, le froid et ce pied blessé. Mes journées sont rythmées par l'écriture, le thé du matin, celui du soir, les maigres repas, les cris rauques et le balai des jets dans la brume. Hier matin, c'est un pic noir qui m'a réveillé en tambourinant près de la fenêtre. Des renards tournent autour de la maison et le chat noir rôde aussi sans se laisser approcher. Tout à l'heure, j'ai vu un bel animal à la fourrure sombre et à la longue queue touffue se faufiler contre le mur de la chambre. Dressé sur ses pattes arrière pour scruter les alentours, poussant de petits cris aigus, la martre est restée là un moment à fouiller les feuilles, puis elle est repartie nonchalamment vers la forêt. Samedi, minuit. Cela faisait quelque temps que j'entendais gratter derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu s'enfuir, une minuscule souris noire au petit museau charbonneux embroussaillé de moustaches. Elle n'était pas seule, sa compagne est allée se cacher dans la cuisine. Je leur ai servi un plat de céréales et un minuscule plateau de fromage. À défaut du chat qui garde ses distances, j'aurai au moins des souris. Par la fenêtre de la cuisine, je vois la nuit froide et une petite lune déjà bien ronde, mais toute floue. Est-ce que c'est la buée ou le brouillard? J'ouvre la fenêtre. Le brouillard s'est encore épaissi, et la lune flotte dans une mer de coton trempé. À force de ruisseler dans les nuages, je me demande si la maison ne va pas finir par larguer ses amarres et se mettre à voguer à travers la montagne. Mon esprit, lui aussi, part à la dérive. Mardi. Ce matin, le paysage est encore dans la brume. On ne voit rien. Maigre ombre grise dans beaucoup de blanc, le merisier sert de perchoir aux grives et aux geais. Mon pied douloureux m'empêche de descendre au village où je trouverai peut-être le réconfort d'une lettre. Personne ne vient. J'assiste, en silence, au colloque des geais et de la brume. Je reste assis à regarder glisser la brume. Les faucheux sont de plus en plus actifs, comme s'ils n'en avaient plus pour longtemps. Tard dans la nuit, je travaille encore. Pour moi aussi, la fin du séjour est proche, et je reste là dans la montagne froide, oh que j'aime ces mots, que j'aime aujourd'hui faire sonner ces mots dans ma mémoire, montagne froide, perplexe devant le temps écoulé. Je regarde mon reflet dans la vitre noire, mais ce n'est toujours pas moi. Que la vie est étrange, je vais manger un peu de riz au soja, et puis un biscuit. Passé minuit, je finis par me coucher, mais le sommeil ne vient pas et je me relève. Je lis, je marche dans la maison. À 3 heures, je fais réchauffer un nouveau plat de riz. Dans la chambre, il fait 12 degrés, mais je n'ai pas froid. J'aime cette chambre, cette nuit, ce silence. Le riz est bon, et l'eau fraîche aussi est bonne à boire. Malgré la tristesse qui me vient parfois, malgré les désirs qui m'agitent encore, il me semble que je pourrais rester ainsi indéfiniment. L'existence érémitique n'aurait pas été pour me déplaire, pour peu simplement que mon ermitage fût caché au cœur de quelques belles montagnes.